on pouvait choisir sa vie, le moment de venir au monde et le pays de son enfance sans réfléchir une seconde. Je choisirais de vivre en France et de préférence aujourd'hui et de préférence aujourd'hui. Si l'on pouvait choisir sa vie en faisant le métier qu'on aime, de temps en temps j'en ai assez de me battre avec mes problèmes, mais je choisirais de chanter pour aider le temps à passer, pour aider le temps à passer. Si l'on pouvait choisir sa vie, je choisirais la vie que j'ai, avec ses joies et ses regrets, je recommencerais. Si l'on pouvait choisir sa vie, si l'avenir m'appartenait, je ne voudrais pas d'autre vie, pas d'autre vie. Si l'on pouvait choisir sa vie, lui donner la plus belle fin, comme au champ d'honneur un soldat ou sur la scène un comédien, je voudrais mourir dans de mon Lancelot qui viendra, de mon Lancelot qui viendra. Si l'on pouvait choisir sa vie, je choisirais la vie que j'ai, avec ses joies et ses regrets, je recommence. Si l'on pouvait choisir sa vie, si l'avenir m'appartenait, je ne voudrais pas d'autre vie, pas d'autre vie. Si l'on pouvait choisir sa vie, je choisirais la vie que j'ai, avec ses joies et ses regrets, je recommencerai. Si l'on pouvait choisir sa vie, si l'avenir m'apporte.